Passion complète. Eh bien, je sais d'ores et déjà que cette rétrospective 2016 prendra plus de temps que prévu initialement. Et c'est toujours le cas de toute manière. Et afin de maximiser le temps qui m'est alloué en ondes, je vais faire abstraction de présentations dites plus traditionnelles et passer directement dans le vif du sujet. Et il sera certainement au vif ce sujet, puisqu'il est possible que je doive amputer. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin, surtout lorsque ses mots sont comptés et qu'il n'aura le temps de vous dire qu'une partie de son diagnostic qui est « Vous allez mourir de... » Et c'était peut-être de rire. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré, cause fear is my fucking business. We are undead incorporated, cause hi, Pendragon said so. Horace, are you ready? Go! Merci. Et débutons avec cette complexe et longue pièce de Gorguts, le numéro 9 de mon top 10 Play It Dust. Let's go! Well, je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de réanimation en ce 17 janvier dans des disgrâces 2017, deuxième émission de l'année. Je suis le Dr. Payne Pendragon et je vous accompagnerai pour encore pratiquement 1h20. Oui, longue introduction à cette édition de réanimation avec la très longue pièce Plates Dust de la formation canadienne et montréalaise Gorguts, pièce de 32 minutes 59 secondes tout de même, qui, doit-on le dire, a dû être certainement laborieuse au niveau de la composition, mais qui est tout de même excellente à écouter. Plates Dust est le mini-album qui est paru le 12 mai dernier, soit la sixième parution studio de la formation Gorguts sous étiquette Season of Mist, pardon, et qui fait office de 9e place ou 9e rang, si vous préférez, dans mon top 10 ou top 10, si vous préférez, de cette année 2016. Un peu plus tard dans l'émission, soit dans environ une vingtaine de minutes, j'aurai encore un segment, bien sûr, qui sera consacré aux séries télévisées et peut-être me rendrai-je jusqu'à la section cinéma qui est en minorité cette année. Et je dois le dire, comme je l'ai dit d'ailleurs en présentation d'émission, la rétrospective s'annonce d'être plus longue que prévu pour diverses raisons, parce que non pas que j'en ai ajouté, que ce soit au niveau musical ou télé ou cinéma, non, pas du tout. J'ai conservé ce que j'avais établi il y a déjà un certain nombre de semaines. Simplement parce que j'ai beaucoup de choses à dire et que je m'emporte rapidement dans une ribambelle de mots qui n'ont pas toujours de signification, en fait, pour vous autres. Mais je vais essayer d'être plus concis cette semaine, mais d'ores et déjà, comme je le disais, je crois qu'il y aurait un troisième volet à cette rétro Undead, soit la rétrospective de 2016. Nous allons poursuivre cette fois-ci avec une formation américaine qui donne dans un thrash metal, formation très bien établie puisqu'il s'agit de Death Angel, une pièce tirée de leur dernier album, soit le 8e en carrière, 8e album studio bien entendu, qui est paru le 27 mai dernier, The Evil Divide, qui est paru sous étiquette Nuclear Blast. Eh bien, Death Angel ne fait pas office et n'apparaît pas sur le top 10, non plus sur les 10 mentions, top 10 mentions si on veut, mais tout de même, il aura suscité mon attention puisque c'est un bon album. Il aurait pu faire office d'être sur le rang des 10 mentions, mais bon, à un moment donné, je suis avec des préférences. Mais tout de même, nous allons écouter une pièce qui est tirée de cet album The Evil Divide avec la pièce qui représente assez bien la pochette, soit The Moth. Let's go. Death Angel et l'excellente The Moth qui est tirée de leur 8e parution en studio, The Evil Divide, qui est paru le 27 mai dernier sur étiquette Nuclear Blast. Formation qui existe depuis 1982, bien évidemment ce n'est plus le line-up d'origine complet, mais les bases les plus solides sont demeurées. Il ne faisait pas office, comme je le disais, des retenues de mon top entre guillemets 20 de l'année 2016, mais il méritait amplement d'être souligné. Et j'ai oublié de vous dire que lorsque j'ai écouté la deuxième partie du des choix du top, je crois que c'est un top 50 de DJ Tower of Death, l'émission Subversion, nous avions certains trucs en commun. Je sais que d'ailleurs nous avions Gargots en commun cette semaine. Lui vendredi dernier, moi cette semaine, Death Angel aussi, je crois. Mais je sais que la prochaine parution, les Norvégiens de Blood Red Throne ont aussi fait office de présentation de sa part. En ce qui me concerne, ils sont à la 6e position du top 10 Pendragon 2016. Je veux dire 2010, je sais pas pourquoi. 2016, avec cet album Union of Flesh and Machine qui est paru le 15 juillet dernier. Sous étiquette Candlelight, c'était leur 8e album, eux également, leur 8e album studio complet. J'ai beaucoup aimé cette nouvelle parution de Blood Red Throne. Et je vous propose, comme je l'ai expliqué la semaine dernière, quand j'aime un petit peu plus certains trucs qui ont été retenus, je me permets de présenter plus qu'une pièce. Et c'est le cas avec Blood Red Throne. Deux pièces qui seront successivement Proselyte Virus et Union of Flesh and Machine, soit la pièce titre. Allons-y de ce pas. We'll be right back. 20h01 et vous êtes toujours à l'écoute de Réanimation, The Undead Incorporated Show. Cette rétrospective, Retro Undead, deuxième partie sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM et jusqu'à 21h. Vous venez d'entendre deux pièces tirées de cette huitième parution studio de la formation norvégienne, soit Blood Red Throne. On vient d'entendre à l'instant Union of Flesh and Machine, qui est la pièce titre de cet album, qui est paru le 15 juillet dernier sous étiquette Candlelight. Et nous avions juste avant la pièce Proselyte Virus, qui sont respectivement la sixième et la deuxième pièce de l'album, que j'ai décoré de la sixième position de mon top 10 2016. J'ai beaucoup aimé cet album, définitivement. Je crois qu'ils sont ressortis du lot et ont peut-être trouvé finalement... je connais le band depuis un certain nombre d'années, là, mais je pense qu'ils se sont redéfinis avec cet album et ont réussi à trouver leur signature qui devrait les propulser vers un avenir possiblement meilleur. Parce que ça demeure quand même toujours un groupe relativement underdog que c'est Blood Red Thrones. Mais aussi en même temps, ce n'est pas toujours les groupes qui ont le plus d'exposure qui sont nécessairement garants de qualité. On l'a vu entre autres avec des formations qui sont très timides, telles Metallica, entre autres. Hein? Et je passe le sujet là. Voilà, parce qu'en passant, eux autres, c'est sûr que vous ne les trouverez pas dans la Retro Undead de cette année, ni jamais. On va poursuivre cette fois-ci avec une petite portion. Parmi les déceptions, ou en fait mentions, ou en déception, ça, c'est toujours un grand terme. Hein? Ça peut être simplement parfois, je dirais, passer un peu plus inaperçu, mais bon. J'ai eu des déceptions, ou j'en ai eu nombreuses dans l'année 2016, mais ici, musicalement parlant, il y en a eu. J'en ai nommé un certain nombre la semaine dernière. Et je vais poursuivre cette semaine avec une parution du 26 août dernier. Formation allemande Trash Metal, soit Sodom et l'album Decision Day. Déception, c'est, je le dis, effectivement, c'est un grand terme ici pour Sodom. C'est plutôt... je dirais une attente qui n'était pas si grande que ça de ma part, qui n'a pas été totalement comblée non plus par ce Decision Day que j'ai trouvé vide. Voilà, c'est le terme que je lui trouve le plus approprié. J'ai trouvé que c'est un album qui était vide. Autre formation que j'ai été... je m'attendais pas à autre chose dans le sens de la tangente musicale qu'ils avaient pris depuis un certain temps. Formation suédoise Opeth. Ce n'est pas une déception, c'est simplement... ce n'est pas une surprise, voilà. Et cet album Sorceress qui est paru le 30 septembre dernier, je sais que plusieurs l'ont apprécié. C'est un album de qualité, je dois le dire, au niveau de la... musicalement parlant. Est-ce que je préfère ce que Opeth a déjà fait? Définitivement, oui. Je trouvais que le groupe avait une façon d'amener leur métal très cérébral, très progressif et très intelligent, dans une voix qui était plus, je dirais, punchante. Aujourd'hui, Mac Ackerfeld fait ce qu'il a toujours adoré, soit le métal progressif des années 70, mais à la sauce des années 2000, bien entendu. Ça donne un bon produit, mais peut-être, pour ma part, pas assez musclé. Album que j'ai trouvé vraiment, honnêtement, je dirais pas pitoyable, mais je dirais par contre pathétique, c'est World Gone Mad, qui est paru le 30 septembre dernier, soit le 13e album de Suicidal Tendencies. J'ai trouvé que Mike Muir devrait simplement arrêter de faire de la musique sous le nom de Suicidal Tendencies. Il ternit le nom énormément. Et cet album, en plus d'être très peu intéressant, il est simplement pas bon. Je vais poursuivre tout à l'heure avec autre truc. Mais je vais continuer cette fois-ci avec... les beaux papiers. Avec où j'en étais rendu au niveau des séries télévisées. Je vous parle à l'instant de la troisième saison de l'excellente série d'aventure et d'action, soit Black Sails, qui est une série créée par Jonathan E. Steinberg et Robert Levine, qui met en vedette Toby Stephens dans le rôle du Captain Flynn, Jessica Parker Kennedy et Luke Arnold, entre autres. Et c'est une série de pirates, oui, typiquement de pirates, qui s'inspire de, si on veut, de l'île au trésor de Robert Louis Stevenson, qui raconte les aventures du Capitaine Flynn et de ses hommes, mais 20 ans avant l'avènement des fameuses aventures de l'île au trésor. C'est vraiment excellent et cette troisième saison était tout à fait à la hauteur des deux précédentes. Une quatrième saison, 2016, pour une autre excellente série d'aventures et d'actions, soit Vikings, à connotation, je dirais, historique, si on veut, qui est une création de Michael Hirsch, qui met en vedette, je dois dire, dans cette série, l'excellent Travis Fimmel, parce que je l'ai vu dans d'autres productions, des films particulièrement, et c'était un peu ordinaire. Mais bon, dans Vikings, il est très bon, aux côtés de Catherine Winnick, Lagartha, ainsi que Clive Standen sont lourds à supporter de frères. Ça raconte l'histoire de Ragnar Lodbrok au 8e siècle, un viking scandinave, jeune guerrier qui est avide d'aventure et qui part en conquête pour pouvoir prouver ce qu'il est, mais aussi rapporter des richesses et des trésors. Et dans la dernière saison, j'espère que vous l'avez vu, je ne veux pas dévoiler de punch, mais il s'attaque finalement à la France et c'est vraiment délectable. Donc Vikings, quatrième saison, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Truc que j'ai découvert, qui n'est pas une suite, mais que j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'était la première saison d'American Crime Story. Et cette fois-ci, ce qu'il faut savoir avec American Crime Story, c'est que c'est une série qui se consacre à un criminel américain, bien entendu, comme ça le dit dans le titre, mais rien de fictif, là. On vient chercher un fait qui s'est passé et on reconstitue les faits d'une certaine façon, de façon évidemment légèrement romancée, mais tout se base sur des faits réels. Et cette première saison était sur O.J. Simpson. Il portait le titre de People vs. O.J. Simpson. C'est une création de Scott Alexander et Larry Karaszewski. Et ça mettait en vedette Cuba Gooding Jr. dans le rôle de O.J. Simpson, Sarah Paulson, qu'on a pu voir aussi, entre autres, dans American Horror Story, et John Travolta. Et d'emblée, je me disais, ça se présente bizarre, mais finalement, c'est vraiment excellent. Et ça raconte depuis le... Ben en fait, le supposé meurtre, parce que jamais vraiment ça aurait été prouvé que c'était lui le coupable, le supposé meurtre de la conjointe de O.J. Simpson et de son supposé petit ami, jusqu'en cours et le procès qui a duré un nombre de temps incroyable jusqu'au verdict, et par la suite, un peu ce qui deviendra la déchéance de ce légendaire athlète des années 80, principalement qui était O.J. Simpson. Bref, c'est une excellente série. C'est vraiment très, très bien refait. Et c'est très crédible aussi. Au début, j'avais un petit peu de misère avec ce qu'on avait appliqué dans la figure de John Travolta. J'avais l'impression d'être un mannequin de cire. Mais finalement, à la fin, tout prend son sens parce qu'on nous montre les vrais... On nous montre les acteurs, mais les vrais personnages qu'ils ont interprétés. Et c'est pour cela qu'on a trafiqué un peu Travolta parce qu'il lui ressemble vraiment à cet avocat dont j'oublie le nom. Je ne me rappelle plus là. Bon, peu importe. Robert Kardashian, voilà. Robert Shapiro. Quatrième saison aussi pour Bates Motel, qui est une production de A&E, qui est une création de Carlton Cruise et Kerry Aaron, qui met en vedette l'excellente Vera Farmiga dans le rôle de Norma Bates, Freddie Highmore dans le rôle de Norman Bates, et lui, je peux vous dire une chose, cet acteur-là, on aime le détester, ainsi que Max Theriot, et donc qui raconte la vie très intrinsèque entre Norma et Norman, lorsque après la mort du mari et le père de Norman, elle s'exile et va faire sa vie très loin de l'Arizona, dans une petite ville qui s'appelle White Pine Bay, dans l'Oregon, et elle amène effectivement son fils Norman, qui à cette époque était âgé de 17 ans, et reprend un motel, qui deviendra le Base Motel, bien entendu, qui était un motel abandonné, et veut refaire une nouvelle identité. et ça dégénère allègrement parce que, évidemment, c'est directement tiré de l'excellente production et chef-d'œuvre de Alfred Hitchcock, soit Psycho. Donc, la quatrième saison était tout aussi palpitante et, je dirais, captivante. Bates Motel, si vous ne connaissez pas cette série-là, ben, je vous invite évidemment à la découvrir. Et pour conclure, à l'instant, la première saison, j'ai terminé la deuxième la semaine dernière. Je ne peux en parler puisqu'elle n'est pas 2016. Ben, en fait, oui, je crois, une partie de la production, mais peu importe, c'est Ash vs. Evil Dead, saison 1, présentation de Stars, qui est une création de Sam Raimi. Oui, oui, le Sam Raimi qui a fait l'original Evil Dead. Et ainsi que de Bruce Campbell, qui est aussi l'acteur principal de ce fameux Ash Williams, aux côtés de Lucy Lawless, qu'on a revu dans, entre autres, dans Spartacus, mais qui est aussi la fameuse Xena, et de Ray Santiago. Et qui raconte l'histoire de Ash Williams, qui est un ex-tueur de démons, bien sûr, comme pour ceux qui sont habitués, pas habitués, mais qui sont familier avec ce qui est le monde de Evil Dead et qui vient de passer ses 30 dernières années à être reclus dans une caravane, une petite vie très monotone et très effacée, alors qu'il se voit contraint malheureusement d'avoir réveillé les démons en lisant un passage du Necronomicon en voulant faire son frais auprès d'une conquête. Et c'est la déballade totale. Ben, c'est une série qui se prend pas au sérieux. C'est une série qui est un peu dans le même genre que la série des films. Il y a un aspect comédie avec ça. Mais il y a tellement d'hémoglobine, tellement de viscères que ça naît, à un certain moment donné, hilarant. Mais c'est très bon. Ash vs. Evil Dead, la saison 1 est excellente. Et je peux vous dire que la saison 2 l'est tout autant. Voici. Nous allons poursuivre musicalement cette fois-ci avec deux formations. L'une qui porte le nom de Destroying the Void, formation américaine qui met en vedette Craig Peters de Deeds of Flesh. En fait, c'est son groupe, son projet personnel. Il fait tout à l'intérieur de cet album qui porte le nom de Paramnesia. Mais on va débuter tout de suite avec la mention numéro 9, formation américaine de l'Ohio, soit Skeleton Witch, une pièce tirée de leur dernière parution, un mini-album, soit The Apathic Gloom, allons-y avec Red Death White. Let's go!

On vient d'entendre la formation californienne. Ben, en fait, la formation, c'est faux. C'est un one-man band. C'est un projet de Greg Peters, qui est aussi guitariste dans les Dire Flèches depuis 2011, soit Destroying the Void. Et l'excellente pièce décadente, je dois le dire, Carnival in Octuro, qu'on trouve sur sa première parution, qui est parue le 19 août dernier, soit Paramnesia, sous étiquette Unique Leader. Ben, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai trouvé que c'était assez éclaté. Mais malheureusement, il ne fait pas partie d'aucune de mes mentions, de mes 20 mentions. Ben, je disais top 10 et 10 mentions. Choix top 20, si on veut. Mais il aurait pu facilement le faire. Juste avant, nous avions la formation américaine de l'Ohio, Skeleton Witch, formation qui donne dans un trash à tendance death, soit la pièce Red Death White, qui est tirée de leur sixième parution studio, un mini-album qui porte le nom de The Apothic Gloom, qui est paru le 19 août également, sous étiquette Prosthetic. Je vais faire encore un petit bout de trucs télévisés, parce qu'il y en a tellement que je ne voudrais pas avoir à les escamoter. Deuxième saison pour Daredevil, qui est une présentation de Netflix, qui est aussi une création de Drew Goddard et qui met en vedette Charlie Cox, Vincent D'Onofrio, Deborah Ann Wall, et qui met en scène ce super-héros aveugle qui est Matt Murdock, qui fonctionne en tant que justicier sur le nom de Daredevil. Cette deuxième saison était tout aussi bonne que la première. C'est rempli d'action, c'est fait tout en finesse. Et graphiquement parlant, au niveau de l'imagerie, c'est vraiment extraordinaire comment on nous présente ça. C'est très grandiose. Donc, deuxième saison de Daredevil vaut vraiment la peine d'avoir été vue. Si vous n'avez pas vu la première, ben hâtez-vous de le faire pour écouter la deuxième, parce que c'est une bonne série. Un titre que j'ai découvert un peu plus tard cette année et qui est une présentation de Fox. Et cette série porte le nom de Lucifer. C'est la première saison, il y en a une deuxième qui est en route actuellement, ben, qui est en diffusion actuellement, devrais-je dire, et qui raconte les histoires de Lucifer Morningstar, le seigneur des enfers, qui est fatigué d'être justement le seigneur de ces dites enfers et qui abandonne son poste et son royaume et qui s'en va vivre à Los Angeles. Ben, évidemment, Los Angeles est un beau lieu de luxure aussi, et qui devient propriétaire d'une boîte de nuit appelée le Lux, le luxe, voilà, et qui utilise son don qui permet de contraindre les gens à faire des choses qui en temps normal n'auraient pas fait. Et il se voit confronté à son frère qui veut absolument le ramener aux enfers. Son frère qui est un ange dont j'oublie le nom, qui a un nom assez particulier. Et comme toute bonne histoire l'a déjà raconté, bien Lucifer, ben, c'est le fils de Dieu et c'est le frère. C'était un ange initialement qui s'est rebellé, qui a été déchu et qui était contraint de faire la gestion des enfers. Mais il en avait plein le casse, donc il a décidé de venir sur Terre pour assouvir ses instincts de, entre guillemets, mortels, ce chose qu'il devient peu à peu. Ben, c'est vraiment bon parce que c'est une comédie teinte d'action. Je dirais aussi d'horreur, je dois le dire, mais c'est vraiment très bien fait. C'est très drôle par moment. Et Tom Ellis, qui joue le rôle de Lucifer Morningstar, est vraiment extraordinaire dans son rôle de Prada et de personnage qui est très ironique. Il se fout un peu de tout le monde, mais de façon tellement fine que par moment, les gens ne s'en rendent même pas compte. Donc, j'ai vraiment hâte de voir la deuxième saison parce que la première était vraiment excellente. Autre truc qui malheureusement sera annulé, un peu comme Vinyl, c'est Roadies, qui est une présentation de Showtime, qui est écrite par Cameron Crowe, qui met en vedette Luke Wilson, Carla Gugino et Imogen Poots, et qui raconte la vie des Roadies, des techniciens qui sont souvent dans l'ombre, effectivement, et qui permettent aux musiciens de jouer chaque soir sur scène pendant longues tournées. Et c'est c'est vraiment intéressant. Musicalement parlant, je peux pas dire que les présentent, parce qu'on le voit jamais vraiment de band live. C'est toujours une, c'est subjectif. On en rencontre très rarement, plutôt vers la fin, mais on voit de vrais artistes. On voit, entre autres, voyons, que comment il s'appelle déjà? J'ai un blanc de mémoire, là, c'est incroyable. On voit des ben c'est, en fait, ils sont incarnés. On voit, entre autres, Robert Plant. Non, je me trompe là, avec Vinyl, excusez. On voit, entre autres, le guitariste de Fleetwood Mac. J'ai un très grand blanc de mémoire. C'est vraiment horrible de ne pas me rappeler. Lindsey Buckingham, voilà. Entre autres, quelques artistes comme ça qui viennent faire quelques prestations à l'occasion. Mais tout tourne autour de la chimie et non-chimie de ce groupe de roadies ensemble qui vivent des expériences assez extraordinaires par moment et qui se remettent souvent à un vieux routier qui est un peu le chef des roadies qui, lui, a vécu les belles années des groupes rock des années 60 et 70 qui raconte beaucoup d'anecdotes, d'ailleurs, à ce niveau-là. C'est très bon, roadies, mais malheureusement, il n'y aura pas de deuxième saison. Ça a été annulé par Showtime, faute de code d'écoute. Ben, il y a un autre truc qui était vraiment excellent, qui était une deuxième saison, une présentation Netflix encore, c'était Narcos, qui est une création de Chris Bracanto, Eric Newman et Carlo Bernard, et qui raconte la lutte acharnée des États-Unis et de la Colombie contre le cartel de la drogue de Medellin, la fameuse organisation qui était dirigée par le padre lui-même, soit, je vous laisse deviner, bien entendu, Pablo Escobar. Ben, la première saison était vraiment excellente et la deuxième, elle est vraiment aussi très, très bonne. C'est très intelligemment amené. Il y a beaucoup d'action aussi, mais il y a beaucoup d'aspects psychologiques qui nous font comprendre certaines choses. Et on voit le personnage, le protagoniste Escobar, d'une façon un peu différente. Non pas que ça a été bien ce qu'il a fait, mais on le voit pas nécessairement comme un despote. Ce que je trouve étrange, c'est qu'il y aura une troisième saison de Narcos, et à la deuxième, ben évidemment, ça devait se conclure comme ça s'est conclu dans la vraie histoire. Pablo, ben, il est plus là, hein. Donc, je sais pas ce qu'on va faire avec la troisième saison, mais c'est à suivre. Et bien sûr, pour conclure cette semaine, ou à peu près, non, peut-être encore une autre, la quatrième saison de cette excellente série House of Cards, une autre présentation de Netflix. Une création de Bo Williman qui met en vedette l'excellent Kevin Spacey, très bonne Robin Wright et Kristen Connolly, entre autres, et qui raconte les manigances, les boire et déboires de Frank Underwood, qui est un démocrate à la Chambre des représentants, qui whip de la majorité, et qui manigance pour... simplement et tout simplement, devrais-je dire, devenir président des États-Unis, peu importe la façon dont il va le faire. Et il est très bien secondé de sa femme, qui est une véritable bitch, et pardonnez-moi l'expression, mais tout en grâce et tout en décorum, bien entendu. Donc, cette quatrième saison était tout aussi passionnante que les trois premières. J'ai vraiment hâte. Je pense que ça va être au printemps qu'on va le droit d'avoir la cinquième. Et c'est très populaire, et pour cause, c'est excessivement bien fait. Et je sais avoir lu lors de la troisième ou quatrième saison que des journalistes avaient demandé à l'ancien président des États-Unis, Bill Clinton, qu'est-ce qu'il pensait, s'il écoutait la série, qu'est-ce qu'il en pensait. Il avait dit absolument, je l'écoute définitivement, et je peux vous dire que ça représente vraiment la vérité. Donc, ce n'est pas très joyeux d'être à la Maison-Blanche, semble-t-il. Et je vais conclure avec une dernière, effectivement, qui est la deuxième saison de Gotham, qui est une présentation de Fox et qui est une création de Bruno Heller, qui met en vedette le très bon Ben McKenzie dans l'inspecteur, le flamboyant, non pas flamboyant, pas du tout, très effacé, mais très efficace, James Gordon, aux côtés de Dina Logue et Sean Pertwee. et qui remet en situation, oui, cette histoire a été racontée plus d'une fois, mais ici on va aller beaucoup plus en profondeur parce que on revient vraiment au début, alors que le petit et jeune Bruce Wayne voit ses parents se faire assassiner dans une ruelle en sortant d'un spectacle, et il jure de un jour trouver le meurtrier de ses parents. Et il est très loin encore de devenir Batman. Il est sous la tutelle d'Alfred, son majordome. Et c'est le commissaire Gordon qui est chargé de cette enquête et qui lui promet de trouver les meurtriers de ses parents. Et c'est tout ce à quoi il devra avoir affaire, et surtout ceux à qui il devra avoir affaire pour être capable de mener son enquête dans une ville, Gotham, qui est une ville hautement criminalisée et qui est contrôlée par plusieurs mafiosi et d'autres en devenir, comme entre autres on voit l'Ascension du Pingouin, un personnage tout simplement extraordinaire, excessivement bien interprété dans cette série. Et peu à peu, on voit les personnages très importants dans la saga de Batman, si on veut, se profiler et apparaître, comme Catwoman, qui est encore très jeune à cette époque, Riddler, qui ne l'est pas encore totalement et qui travaille même au commissariat de Gotham. Bref, ce sont des personnages qui sont très colorés, très forts, qui crèvent l'écran, et c'est, je dois le dire, admirablement bien apporté. Tout est parfaitement léché. Graphiquement parlant, c'est absolument hallucinant ce qu'on peut faire maintenant au niveau des productions, que ce soit autant télévisuelles que cinématographiques. On nous amène des décors qui sont plus grands que nature et plus réels, très très comic book en même temps. Donc, cette deuxième saison de Gotham, elle était excellente. La troisième est en cours actuellement. Je ne me suis pas encore attaqué. J'attends qu'elle soit complète. J'ai vraiment hâte de voir cette troisième saison parce que c'est tout simplement admirable. Dans les trucs qui m'ont déçu aussi cette année, déçu ou en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour lesquels peut-être j'avais moins d'attente, ben, une formation heavy metal traditionnelle, une formation qui est une formation britannique qui porte le nom de Tigers of Pantang, qui est une formation que j'ai découvert vraiment au début des années 80 avec un excellent album Wildcats. Ce n'est plus le même chanteur, bien entendu, depuis ce temps. Mais Tigers of Pantang ont fait apparaître un album homonyme le 21 octobre dernier. Et c'est très mauvais, malheureusement. J'ai arrêté à un certain moment donné de suivre un peu leur carrière. Je me suis désintéressé un petit peu du mouvement heavy metal traditionnel pour y revenir un petit peu plus il y a quelques années. Mais j'avais mis de côté un peu cette formation-là pour diverses raisons qui étaient que j'étais passé à autre chose. Mais je me suis dit, tiens, hein, par curiosité, je vais écouter leur nouvel album, Tigers of Pantang. Ben, j'ai été très déçu. D'ailleurs, je l'avais présenté à Rock Classic et j'avais trouvé ça vraiment mauvais. C'est pas un bon album. Puis il y a beaucoup de ballades dessus en plus. Et dernière déception de la semaine, parce que je vais garder la meilleure pour la semaine prochaine. C'est la formation polonaise Vader avec leur album The Empire qui est paru le 4 novembre dernier. Ben, Vader, ce qu'il faut savoir avec eux, c'est que généralement, c'est pas mal tout le temps la même recette qui est utilisée. Avec différents musiciens, souvent, mais la même recette, les mêmes ingrédients, le même dosage d'épices, la même quantité de sauce, bref, ça varie pas énormément. Mais quoi qu'il en soit, jusqu'à présent, ça me plaisait assez. Pas très original, mais ça me plaisait quand même, je trouvais que ça faisait le travail. The Empire, il sonne très vide, comme je le disais tout à l'heure, par rapport à Sodom. The Empire sonne vide, il est pas vraiment punché. J'ai plus ou moins apprécié aussi la qualité d'enregistrement qui me semble avoir été un peu, je dirais, tourné avec les coins ronds. Ça n'a pas d'impact comme album. Musicalement parlant, c'est pas mauvais, mais l'ensemble de l'album m'a déçu. Bref, déception, il y en aura toujours, malheureusement. Mais heureusement, des choses qui sont excellentes, comme la prochaine présentation, fait partie de... En fait, qui est le numéro 4 de mon top 10, formation des Pays-Bas. qui porte le nom de Asphyx et qui en était à leur 9e album studio qui est paru le 30 septembre dernier, soit Incoming Death. Je vous propose deux pièces qui sont respectivement Candero et The Feeder. Voici Asphyx, let's go! Je vous raconte n'importe quoi. J'étais en train d'escamoter totalement la formation danoise Dawn of the Mise et la formation américaine qui est au numéro 2 de mes mentions, soit Warfather. Donc, les voici. Mille excuses. We'll be right back. Ever after you incline, violence demands to be seen. Ancient are the ways, and no more other days. Hypocrites, claiming that God is one of these. Watch out, dead in the hands of anyone that doesn't believe. You serve the wise, Masata, son of brother and king. Chosen ones will martyr, their efforts will not be stained. righteous assassins, hidden like vultures. La formation américaine Warfather et leur pièce Carnage of the Pious, qui est tirée de leur deuxième album paru le 16 septembre dernier, The Grey Eminence, sur Grey Ace Record. Moi, j'ai beaucoup aimé, ça met en vedette Steve Tucker, l'ex est redevenu Morbid Angel, et il fait partie, c'est la mention numéro 2 que j'ai retenu cette année, ben cette année, non, l'an dernier, 2016. C'est un album qui est de loin supérieur à le premier album de Warfather qui avait été fait, qui est plus défini, qui est plus percutant aussi. Et juste avant, nous avions la formation danoise Dawn of Demise et leur quatrième parution de Suffering, c'était la pièce titre de cet album qui est paru le 26 août dernier sur Unique Leader. Étiquette qui semble faire parler de plus en plus de lui au niveau du métal. On y retrouve des trucs assez intéressants d'ailleurs. Il me reste juste le temps de vous dire que cette semaine, dès 11h, c'est Rock Classique pour les vrais amateurs de vrai rock, et nous ferons notre traditionnel 3 pour 1, le Rockmaster et moi. 11h à 17h, Rock Classique sur les ondes de C'est Fou. Pour les amateurs de métal aussi, bien sûr, allez écouter l'émission Subversion sur Underground Québec. Retrouvez aussi les podcasts sur SoundCloud avec notre ami DJ Tower of Death. C'est le vendredi 18h30. Et si ça vous intéresse d'aller lire les commentaires, les appréciations, autant cinématographiques que musicales, bien entendu, et de divers styles, de mon ancien assistant et ami Sinistro sur le blog de hurlemort.com. Et dans 3 minutes ou même 2 minutes 30 secondes, c'est l'émission Matière Noire qui débute. Comme à l'habitude, donc, vous avez encore devant vous quelques bonnes heures de musique assez fou. Parce qu'habituellement, c'est pas écoutable. Non, c'est une blague. Mais le meilleur est présentement. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour cette troisième partie de la Retro Undead Rétrospective 2016. Et d'ici là, bien entendu, allez tous vous faire foutre. See you.